recettes en faisant la vaisselle, du jambon, des carottes. Mon Dieu, que c'est conventionnel pour tous les déglingos qui ont un peu d'ambition. Un peu de lait, un peu d'eau, des endives et du jambon, béchamel, noix de beurre. On met tout ça dans un plat. Y'a jamais rien de meilleur que se régaler avec ça. C'est quand même vachement bon. Les endives au jambon. Je sais pas si c'est le sel, la béchamel ou la cuisson, mais c'est un plat béton. Quand t'es tout seul chez toi, ou bien si tu reçois, que ce soit Gwenaël, Pierre-Michel ou Jean-Benoît, ils vont en être baba. Samedi dernier, j'étais au resto à discuter autour d'un apéro. Quand soudain le garçon arrive, je m'écris: putain, j'avais dit des endives. Excusez-moi, je suis stagiaire. J'aime tellement ça que ça me rend violent. Je m'énerve, je me bats, je tape sur des enfants. Faudrait que je me calme, que je sois moins belliqueux. À chaque fois j'en fais un drame, mais bon, faut bien avouer que c'est quand même vachement bon. Les endives au jambon. Je sais pas si c'est le sel, la béchamel ou la cuisson, mais c'est un plat béton. Seul chez toi, ou bien si tu reçois, que ce soit Justinien ou Marcelin ou même François, ils vont adorer ça. Aucun autre plat ne me fait cet effet. Les endives, malgré moi, j'y peux rien, mais c'est parfait. Dites-moi comment faire pour ne pas succomber à la béchamel aux gruyères divinement gratinées. Je ferai bien l'effort de goûter à autre chose, aux tomates, aux roquefort, à tout ce qu'on me propose. Choisirai au hasard mon nouveau plat préféré. Du lapin au canard, c'est sur le bœuf que je suis tombé. C'est franchement dégueulasse, le bœuf à l'ananas. Que ce soit le poivron ou les oignons, y'a rien qui passe. Je préfère à la place un truc qui est vachement bon. Des endives au jambon. J'sais pas si c'est le sel, la béchamel ou la cuisson, mais c'est un plat béton. Seul chez toi, ou bien si tu reçois, que ce soit Jonathan ou Gaëtan ou Nicolas, il n'en reviendra pas. Je disais, je suis stagiaire, je suis un petit peu emmené les pinceaux. Oui, je vous ai pas besoin de vous en dire tout de suite.